Le monde n'est plus le même monde depuis que je suis mort. Alors que j'ai fui, je sens les vivants me haïr. J'aurais bien aimé à nouveau me débarrasser de l'ennui et des choses qui m'ennuient. Mais les gens tournent comme des rapaces et je pars, ça débarrasse. Sans doute aurais-je le regret de te laisser. Quel lâche de ne t'avoir dit adieu. Mes dots seront te faire m'oublier et t'aimeront nu dans des lits de sueur triste, de sembler partir si loin et revenir trop vite, tellement vite. On atteint le but et c'est déjà un bonheur éteint, un de plus. C'est la fin qui sait à quel point je t'aime. Je ne voudrais t'encombrer. Il y a longtemps que je me sens inutile, alors je pars car d'autres t'aimeront nu dans des lits de sueur triste, de sembler partir si loin et de revenir si vite. On atteint le but et c'est déjà un bonheur éteint, un de plus.